c'est la pod. B1 débarque plus fort, hors norme et sont des gommes. Sans égal pour mes gars. En indé, même si c'est sous de la prod, c'est illégal. On va s'exporter du Ségala au Sénégal. René 4 d'Ouest déporté en Aveyron. Qui viennent voir s'y échanger. Et ils verront, aviseront, inviteront mes rosso. Je suis jamais comme un roseau, j'ai mes raisons. C'est mon intro. C'est mon intro. C'est mon intro. C'est mon intro. Luan débarque en solo. Pour l'instant, expert, t'inquiète, cela se fera avec le temps. Pas pressé pour sortir un truc pourri. Et mec, je suis un gros chat, rentrez vos petites souris. Le sourire, même sans le fric, que faire quand on friche et tout le monde s'en fiche. Qu'un flush en tête, aucun flush en poche. Moral en berne, les problèmes en j'en les cernes. B1 le phénix rené de ses cendres. Cette fois c'est la bonne. B1 sans rancune, mon album. Sans rancune, mon album. Yeah, yeah, yeah.